Marcel Schwab, L'homme voilé. Du concours de circonstances qui me perd, je ne puis rien dire. Certains accidents de la vie humaine sont aussi artistement combinés par le hasard ou les lois de la nature que l'invention la plus démoniaque. On se récrierait comme devant le tableau d'un impressionniste qui a saisi une vérité singulière et momentanée. Mais si ma tête tombe, je veux que ce récit me survive et qu'il soit dans l'histoire des existences une étrangeté vraie, comme une ouverture blafarde sur l'inconnu. Quand j'entrais dans ce terrible wagon, il était occupé par deux personnes. L'une, tournée, enveloppée de couvertures, dormait profondément. La couverture supérieure était mouchetée de taches, à fond jaune, comme une peau de léopard. On en vend beaucoup de semblables aux rayons d'articles de voyage. Mais je puis dire tout de suite qu'en la touchant plus tard, je vis que c'était vraiment la peau d'un animal sauvage. De même le bonnet de la personne endormie. Lorsque je le détaillai avec la puissance de vision suraiguë que j'obtins, me parut être d'un feutre blanc infiniment délicat. L'autre voyageur, d'une figure sympathique, paraissait avoir juste franchi la trentaine. Il avait d'ailleurs la tournure insignifiante d'un homme qui passe confortablement ses nuits en chemin de fer. Le dormeur ne montra pas son billet, ne tourna pas la tête, ne remua pas pendant que je m'installais en face de lui. Et, lorsque je me fus assis sur la banquette, je cessai d'observer mes compagnons de voyage pour réfléchir à diverses affaires qui me préoccupaient. Le mouvement du train n'interrompit pas mes pensées, mais ils dirigeaient leur courant d'une curieuse façon. Le chant de l'essieu et des roues, la prise des rails, le passage sur les jonctions des rails, avec le soubresaut qui secoue périodiquement les voitures mal suspendues, se traduisait par un refrain mental. C'était une sorte de pensée vague qui coupait à intervalles réguliers mes autres idées. Au bout d'un quart d'heure, la répétition touchait à l'obsession. Je m'en débarrassai par un violent effort de volonté. Mais le vague refrain mental prit la forme d'une notation musicale que je prévoyais. Chaque heure n'était pas une note, mais l'écho à l'unisson d'une note conçue d'avance, à la fois crainte et désirée. Si bien que ces heures éternellement semblables parcouraient l'échelle sonore la plus étendue, correspondant en vérité avec ces octaves superposées que le gosier d'aucun instrument n'eût pu atteindre, aux étages de supposition qu'entasse souvent la pensée en travail. Je finis par prendre un journal pour essayer de rompre le charme, mais les lignes entières se détachaient des colonnes lorsque je les avais lues et venaient se replacer sous mon regard avec une sorte de son plaintif et uniforme à des intervalles que je prévoyais et ne pouvais modifier. Je m'adossai alors à la banquette, éprouvant un singulier sentiment d'angoisse et de vide dans la tête. C'est alors que j'observai le premier phénomène qui me plongea dans l'étrange. Le voyageur de l'extrémité du wagon, ayant relevé sa banquette et assujetti son oreiller, s'étendit et ferma les yeux. Presque au même moment, le dormeur qui me faisait face se leva sans bruit et tendit sur le globe de la lampe le petit rideau bleu à ressort. Dans ce mouvement, j'aurais dû voir sa figure, et je ne la vis pas. J'aperçus une tache confuse, de la couleur d'un visage humain, mais dont je ne pus distinguer le moindre trait. L'action avait été faite avec une rapidité silencieuse qui me stupéfia. Je n'avais pas eu le temps de voir le dormeur debout, que déjà je n'apercevais plus que le fond blanc de son bonnet au-dessus de la couverture tigrée. La chose était insignifiante, mais elle me troubla. Comment le dormeur avait-il pu comprendre si vite que l'autre avait fermé les yeux? Il avait tourné sa figure vers moi et je ne l'avais pas vu. La rapidité et le mystère de son geste étaient inexprimables. Une ombre bleue flottait maintenant entre les banquettes capitonnées, à peine interrompue de temps à autre par le voile de lumière jaune jeté du dehors par un fanal à l'huile. Le cercle de pensée qui me hantait revint à mesure que le battement du train croissait dans le silence. L'inquiétude du geste l'avait fixé, et des histoires d'assassins en chemin de fer surgissaient de l'obscurité, lentement modifiées à la façon de Mélopée. La peur cruelle m'étreignait le cœur, plus cruelle parce qu'elle était plus vague et que l'incertitude augmente la terreur. Visible, palpable, je sentais se dresser l'image de Jude, une face maigre avec des yeux caves, des pommettes saillantes et une barbiche sale. La figure de l'assassin Jude, qui tuait, la nuit, dans des wagons de première et qu'on n'a jamais repris après son évasion. L'ombre m'aidait à transporter cette figure sur la forme du dormeur, à peindre des traits de Jude la tache confuse que j'avais vue à la lampe, à m'imaginer sous la couverture tigrée un homme tapis, prêt à bondir. J'eus alors la tentation violente de me jeter à l'autre bout du wagon, de secouer le voyageur endormi, de lui crier mon péril. Un sentiment de honte me retenait. Pouvais-je expliquer mon inquiétude? Comment répondre au regard étonné de cet homme bien élevé? Il dormait confortablement, la tête sur l'oreiller, soigneusement enroulée, ses mains gantées, croisé sur sa poitrine. De quel droit irais-je le réveiller parce qu'un autre voyageur avait tiré le rideau de la lampe? N'y avait-il pas déjà quelques symptômes de folie dans mon esprit qui s'obstinaient à rattacher le geste de l'homme à la connaissance qu'il aurait eue du sommeil de l'autre? N'étaient-ce pas deux événements différents, appartenant à des séries diverses, mais qu'une simple coïncidence rapprochait? Mais ma crainte s'y butait et s'y obstinait, si bien que, dans le silence rythmé du train, je sentais battre mes tempes. Une ébullition de mon sang, qui contrastait douloureusement avec le calme extérieur, faisait tournoyer les objets autour de moi, et des événements futurs et vagues, mais avec la précision devinée de choses qui sont sur le point d'arriver, traversait mon cerveau dans une procession sans fin. Et, tout à coup, un calme profond s'établit en moi. Je sentis la tension de mes muscles se relâcher dans un abandon entier. Le tourbillonnement de la pensée s'arrêta. J'éprouvai la chute intérieure qui précède le sommeil et l'évanouissement. Et je m'évanouis véritablement, les yeux ouverts. Oui, les yeux ouverts et doués d'une puissance infinie dont ils se servaient sans peine. Et la détente était si complète que j'étais à la fois incapable de gouverner mes sens ou de prendre une décision, de me représenter même une idée d'agir qui eût été à moi. Ses yeux surhumains se dirigèrent d'eux-mêmes sur l'homme à la figure mystérieuse, et, bien que perçant les obstacles, il les percevait. Ainsi je sus que je regardais à travers une dépouille de léopard et à travers un masque de soie couleur de peau humaine, crépon couvrant une face basanée. Et mes yeux rencontrèrent immédiatement d'autres yeux d'un éclat noir insoutenable. Je vis un homme vêtu d'étoffe jaune, à boutons qui semblaient d'argent, enveloppé d'un manteau brun. Je le savais couvert de la peau de léopard, mais je le voyais. J'entendais aussi, car mon ouïe venait d'acquérir une acuité extrême, sa respiration pressée et haletante, semblable à celle de quelqu'un qui ferait un effort considérable. Mais l'homme, ne remuant ni bras ni jambes, ce devait être un effort intérieur. C'en était un à coup sûr, car sa volonté annihile la mienne. Une dernière résistance se manifesta en moi. Je sentis une lutte à laquelle je ne prenais réellement pas part. Une lutte soutenue par cet égoïsme profond qu'on ne connaît jamais et qui gouverne l'être. Puis des idées vinrent reflotter devant mon esprit, idées qui ne m'appartenaient pas, que je n'avais pas créées, auxquelles je ne reconnaissais rien de commun à ma substance, perfides et attirantes, comme l'eau noire vers laquelle on se penche. L'une d'elles était l'assassinat. Mais je ne le concevais plus comme une œuvre pleine de terreur, accomplie par Jude comme l'issue d'une épouvante sans nom. Je l'éprouvais possible, avec quelques lueurs de curiosité et un anéantissement infini de tout ce qui avait jamais été ma volonté. Alors l'homme voilé se leva, et, me regardant fixement sous son voile couleur de chair humaine, il se dirigea à pas glissants vers le voyageur endormi. D'une main il lui saisit la nuque, fermement, et lui fourra en même temps dans la bouche un tampon de soie. Je n'eus pas d'angoisse, ni le désir d'un cri. Mais j'étais auprès et je regardais d'un œil morne. L'homme voilé tira un couteau du Turkestan mince et filé, dont la lame évidée avait une rigole centrale, et coupa la gorge au voyageur, comme on saigne un mouton. Le sang gicla jusqu'au filet. Il avait enfoncé son couteau du côté gauche, en le ramenant vers lui d'un coup sec. La gorge était béante. Il découvrit la lampe et je vis le trou rouge. Puis il vida les poches et plongea ses mains dans la mare sanglante. Il vint vers moi et je supportai sans révolte qu'il barbouilla mes doigts inertes et ma figure où pas un pli ne bougeait. L'homme voilé roula sa couverture, jeta autour de lui son manteau, tandis que je restais près du voyageur assassiné. Ce mot terrible ne m'impressionnait pas. Lorsque, soudain, je me sentis manquer d'appui, sans volonté pour suppléer la mienne, vide d'idées dans le brouillard. Et, me réveillant par degrés, les yeux collés, la bouche glaireuse, avec ma nuque serrée d'une main de plomb, je me vis seul, au petit jour gris, avec un cadavre ballottant. Le train filait dans une campagne rase, à bouquets d'arbres clairsemés, d'une monotonie intense. Et lorsqu'il s'arrêta après un long sifflement, dont l'écho traversait l'air frais du matin, j'apparus stupidement à la portière, avec ma figure barrée de caillots de sang.